Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Canada, terre de création. On n'y avait point voulu écrire ce mot-là sur le lys, les encenseux. Oh non, oh non. Par rapport à ce qu'ils avaient eu pour le dire que l'Acadie, c'est pas un pays, ça. Acadien, c'est pas une nationalité par rapport, c'est pas écrit dans les livres de géographie. Viola Légère, interprétant le célèbre personnage de la Sagouine en 2014 dans un extrait du monologue Le Recensement, le personnage de la Sagouine fait résolument partie de cette grande fresque du patrimoine culturel canadien. Dans le cadre de notre série d'émissions autour du 150e anniversaire de la Fédération canadienne, je vous présente aujourd'hui une émission sur le thème du Canada, terre de création. Et c'est, je vous le dis, probablement l'émission de toute cette série où il a été le plus difficile de ne retenir que trois exemples associés au thème de l'émission. Outre la Sagouine, il sera question dans cette émission de l'auteur Gabriel Roy et de l'énorme importance qu'aura eu l'Office national du film dans l'essor et le rayonnement de notre cinéma. Aujourd'hui, l'histoire, le Canada, terre de création. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle quand viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, chanté par Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, mon pays, qui aurait aussi pu faire partie, bien sûr, de cette émission. Pour évoquer ce Canada, terre de création, trois invités autour de nos micros aujourd'hui. Pour nous parler de l'œuvre de Gabriel Roy, Sophie Marcotte, qui est professeure de littérature à l'Université Concordia, spécialiste de Gabriel Roy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Michel Coulombe, que vous connaissez, chroniqueur cinéma, un habitué de l'émission, qui va nous parler de l'importance qu'aura l'ONF, l'Office national du film, dans l'histoire de notre cinéma. Michel, bonjour. Bonjour. Et Marie-Linda Lord, pour nous raconter La Sagouine d'Antonine Maillet. Marie-Linda Lord, qui enseigne en information communication à l'Université de Moncton. Vous êtes aussi spécialiste d'Antonine Maillet. Marie-Linda Lord, bonjour. Bonjour. Premier tour de table sur ce grand thème d'abord. Qu'est-ce que, Marie-Linda Lord, quand on vous parle du Canada, terre de création, quelles images vous viennent tout de suite en tête? On vient d'entendre Gilles Vigneault, donc c'est sûr qu'on pense aux grands espaces, à l'hiver. C'est ce qui a marqué, évidemment, les premiers Européens qui sont arrivés. Et ça, c'est bien avant 150 ans. Donc, on parle déjà de Jacques Cartier en 1534. Ce qu'on célèbre cette année, en fait, c'est les 150 ans de la Confédération. Oui. Les Autochtones, les Premières Nations étaient ici bien avant nous. Mais c'est aussi toute la colonisation, l'agriculture coûte que coûte, surtout pour les francophones de ce pays, avec le clergé qui les encourageait beaucoup sur les terres. C'est aussi l'écriture migrante. Donc, les immigrants qui sont arrivés, qui ont commencé à écrire, qui ont créé cette nouvelle littérature à côté des littératures traditionnelles, c'est également l'américanisation. Donc, la question qu'on peut se poser, être Canadien, est-ce que c'est d'être américanisé? Moi, personnellement, je vous dirais que oui, oui, ça fait partie d'être Canadien. Le Nouveau Monde, en tout cas, clairement. Clairement. Le développement du pays, la colonisation, oui, les grands espaces, le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, tout comme les États-Unis, comme les Caraïbes, tout comme l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, lorsqu'on étudie des contenus culturels et qu'on les compare, il y a tout cet imaginaire du Nouveau Monde, oui, qui est commun à toute l'Amérique, en fait. Michel Coulombe, sur ce grand thème-là, il est très vaste, ce pays, effectivement. Est-ce que ça rend pas très diversifié dans sa géographie, absolument, dans ses différentes, oui, identités? Est-ce qu'il est possible, Michel Coulombe, d'en arriver à circonscrire quelque chose qui ressemblerait à une grande culture canadienne? Il y a beaucoup d'identités régionales au Canada. Hein? Ce qui se passe du côté de la Colombie-Britannique est bien loin de ce qui se passe à Terre-Neuve. Puis il y a les identités francophones, anglophones. Bref, je trouve ça difficile d'avoir quelque chose de rassembleur parce qu'il y a cette influence américaine aussi qui est peut-être qui a un effet colossal sur la culture canadienne. Cela dit, puisqu'on parlait de territoire, moi, le groupe des sept, c'est un des rares mouvements que j'associe à l'idée du Canada. Oui. C'est-à-dire, au début du 20e siècle, ce groupe de peintres qui a formé une école paysagiste avec spiritualité, avec une appropriation des différentes régions, avec un regard vers le nord, avec une identité proprement canadienne, parce qu'il y avait là une réflexion sur ce qu'était le Canada. Et puis l'influence qu'ils ont eue sur d'autres Émilie Carr, par exemple, qui pour moi est une peintre essentielle dans l'histoire du Canada, notamment parce qu'elle s'est intéressée à la question des Premières Nations. Mais est-ce que ça reste pas le groupe des Sept et Émilie Carr? Ce que vous décrivez, et ça nous amène à parler des deux grandes cultures et de la connaissance que l'on a ou pas de l'autre culture, francophone, anglophone. Comment l'une et l'autre des deux solitudes culturelles se connaissent? Cette chose-là demeure, cette problématique des deux solitudes. Il est certain que si je prenais une perspective québécoise, je vous parlerais d'abord de Riopel, je vous parlerais du refus global, c'est là que les choses se passent. Mais quand j'aborde les choses dans une problématique canadienne, ben, en peinture, par exemple, le groupe des Sept m'apparaît fondamental. Et au-delà de la connaissance, il y a, il y a les caractéristiques, ce qui définit ces différentes cultures et ces deux grandes cultures francophones et anglophones. Sophie Marcotte, vous êtes une littéraire. Comment on peut comparer, par exemple, la littérature du Canada français par rapport à la littérature du Canada anglais? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que c'est très différent? Bien, en fait, les deux littératures, en fait, on ne peut pas parler de deux littératures, en fait, au Canada. Il faut quand même penser à toute la littérature franco-canadienne, extérieure à la littérature québécoise, bien entendu, et déjà, à la littérature anglophone. Déjà, il y a une nuance. Alors, est-ce qu'on peut les comparer? Elles suivent des trajectoires, en fait, assez différentes, ces deux littératures. La littérature québécoise, canadienne-française, est davantage ancrée dans les contes, légendes populaires hérités de la Nouvelle-France qui ont été reconduits dans la littérature du 19e siècle, dans les tout premiers textes littéraires du 19e siècle, et qui, ce que je trouve particulièrement intéressant, trouve résonance aujourd'hui dans la culture contemporaine. Donc, on assiste à une sorte de retour, justement, de ce terroir. On assiste à un retour des conteurs qui racontent, justement, les légendes de l'époque, alors que la littérature anglaise était déjà beaucoup plus moderne, si on veut, que la littérature canadienne-française dès le début du 20e siècle. Elle était déjà davantage, si on veut, plus proche de la littérature américaine et de la littérature mondiale que ne l'était la littérature canadienne-française. Marie-Linda Lord, je ne peux pas m'empêcher de penser à la situation de minorité des francophones. Vous êtes acadienne. Les francophones sont minoritaires. Le Québec est minoritaire au Canada. En Acadie, évidemment, vous êtes une minorité importante, mais une minorité. On a longtemps dit que la langue, malgré tout, était une forme de bouclier, de rempart, de protection contre ce géant américain. Est-ce que c'est encore le cas, par exemple, en Acadie? Oui, c'est encore le cas, il n'y a pas de doute. Pendant longtemps, il y avait deux piliers communautaires, et c'est la même chose au Québec. Ça a été partout la même chose en francophonie canadienne. Donc, il y avait la religion catholique et la langue. Donc, maintenant, c'est la langue. Et oui, on s'y accroche énormément. C'est pour ça qu'il y a des organismes qui existent pour la défense des droits linguistiques des communautés francophones. C'est très institutionnalisé maintenant. Et évidemment, la culture porte beaucoup cette cause. Pour faire suite à ce que Mme Marcotte vient d'expliquer aussi au niveau de la littérature en français au Canada, elle a été aussi porteuse de la cause. Oui. Donc ça, c'était très, très important. On va commencer le survol de ce pays, ce Canada terre de création. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse ça géographiquement. On va commencer dans l'Ouest, puis tout doucement, on va se retrouver chez vous, Marie-Linda Dallord, en Atlantique. On commence avec une figure, une grande figure de notre littérature. C'est l'une de celles, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qui ont brillé, qui ont rayonné à l'extérieur du pays, parce qu'il y en aura de ces créateurs canadiens qui connaîtront des carrières internationales. Je pense bien sûr à la franco-manitobaine Gabrielle Roy. On l'écoute au moment où elle reçoit le prix Athanase David pour l'ensemble de son œuvre. On est en 1971. Et à plus forte raison, une vie d'écrivain est tragique. En ce sens que plus on avance, plus on voit loin et de choses à dire, moins on a de temps pour le dire. La vie, c'est un peu une histoire dont on connaît le dernier mot quelques minutes seulement avant de mourir. Aussi bien les écrivains, gens appelés par leur destinée à témoigner de l'expérience humaine, sont gens condamnés à être toujours dépassés par leur tâche. Gabriel Leroy, qui manifestement, Sophie Marcotte, prend ça très, très au sérieux, l'écriture et le rôle de l'écrivain. On va y revenir dans un instant, mais un petit mot d'abord pour situer ce personnage-là. Quelle importance elle a, Gabriel Leroy, dans l'histoire de notre littérature? En fait, Gabrielle Leroy a connu un destin assez singulier. C'est une jeune franco-manitobaine qui, après avoir enseigné pendant quelque temps au Manitoba, a décidé qu'elle voulait suivre des cours de théâtre. Et elle est partie en Europe tout juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est allée suivre des cours de théâtre et elle s'est rendue compte pendant ce long périple européen que le théâtre n'était pas sa voie. Mm-hmm. Et c'est là qu'elle est venue à l'écriture. Et elle est venue à l'écriture non pas dans la langue de Shakespeare, mais plutôt dans la langue de Molière. Mm-hmm. Et donc, elle est rentrée au Canada et s'est installée un peu par hasard à Montréal au lieu de rentrer au Manitoba. Et c'est à Montréal qu'elle a décidé d'écrire Bonheur d'occasion, qui a été son premier roman. Et qui va être un grand succès. Donc, ça commence très, très vite pour elle et très, très fort. Exactement. Et je reviens sur l'extrait qu'on vient d'entendre parce qu'il nous en dit beaucoup sur l'importance qu'a cet auteur-là, ce qu'elle écrit. On a beaucoup parlé d'elle comme une auteure de la condition humaine et clairement, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est son intention d'écrire la vie et le monde dans lequel elle vit. Oui, exactement. Puis je pense que Bonheur d'occasion est le premier exemple frappant de cette volonté qu'a Gabrielle Leroy de décrire toute la misère humaine. Et ça sera présent dans toute son œuvre. En fait, ça traverse son œuvre, effectivement. Elle va s'intéresser à ceux qu'elle appelait les petites gens. Oui. Hein? Donc, elle va s'intéresser, par exemple, à la famille Lacaze, dans Bonheur d'occasion, qui habite Saint-Henri, qui a du mal à joindre les deux bouts et qui regarde avec envie la montagne, donc les gens qui habitent Westmount. Oui. Elle va faire la même chose dans Alexandre Chenevert, en 1953, où elle s'intéresse à un personnage qui, finalement, est un simple banquier qui porte sur ses épaules l'ensemble de la misère humaine qui est troublée constamment par les événements mondiaux. Elle a été aussi... elle a ce regard du journaliste. Elle a été aussi journaliste très jeune. Et ça la suivra dans son écriture. Vous parlez de Bonheur d'occasion, cette observation qu'elle fait de ce quartier-là. On l'écoute parce que c'est intéressant comment elle va créer et si bien décrire ce monde et cet univers de Saint-Henri, du Saint-Henri de ses années 40. On l'écoute en parler à Judith Jasmin dans une entrevue qu'elle lui accorde en 1945. Comment avez-vous été amené à Saint-Henri? Bien, au début de la guerre, j'habitais cette partie de Westmount qui surplombe Saint-Henri, vous savez, près de la Glenn. Mm-hmm. De ma fenêtre, je voyais les usines, les fumées, le canal de la Chine, et j'entendais incessamment des éclats de sirènes et les sifflets des locomotives. Cette vie étrange, débordante, m'attirait. Je quittais alors le quartier anglais, si propre, si froid, et je descendais chaque jour accomplir d'interminables promenades à travers Saint-Henri. Alors, vous n'avez jamais habité ce quartier? Non, et c'est mieux ainsi, je crois. Du dehors, avec des yeux neufs, une sensibilité fraîche qui n'a pas engourdi l'habitude, on voit mieux, on juge mieux. Non, je n'ai jamais habité Saint-Henri. Et je m'en excuse auprès de Rosanna, d'Azarius, de Florentine, d'Alphonse. Mais je crois qu'ici, venant parmi eux tel le diable Asmodée, soulevant pour ainsi dire le toit des maisons sans être vu, j'observais mieux, je me laissais mieux toucher par l'atmosphère unique. Humaine de Saint-Henri. Alors, ce roman, il est publié en 1945, Bonheur d'occasion. C'est son premier roman, vous le disiez, Sophie Marcotte. Elle n'a que 36 ans, Gabrielle Leroy, au moment de la publication de Bonheur d'occasion. Et c'est un succès international. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Bonheur d'occasion est un livre, est un roman si important? Bien, d'une part, il marque la fin du siècle du roman du terroir. La même année, Germaine Guèvremont avait publié Le Survenant, qui est le tout dernier, finalement, de cette longue lignée de romans paysans. Et Gabrielle Leroy, elle, propose un roman qui est tout à fait à l'opposé, qui est un roman qui est le premier roman réaliste social. Mm-hmm. Et donc, elle inaugure... On est dans l'urbanité. On est dans l'urbanité. Donc, c'est le premier roman social urbain. En fait, montréalais, parce qu'on pourrait dire que Lemelin, avec Au pied de la pente douce, avait quand même publié un roman, un premier roman urbain. Mais c'est quand même le premier roman social réaliste urbain montréalais. Moderne aussi, moderne. Il y a quelque chose de très moderne. Hein? Moderne, exactement. Et donc, ça a connu une résonance très importante, non seulement au Québec, mais aussi au Canada anglais, où il a été traduit, également aux États-Unis, où elle a remporté même une mention de la Literary Guild of America, qui était le Book of the Month, qui lui a fait vendre près de 700 000 exemplaires de Bonheur d'occasion dans les années qui ont suivi la publication. Hollywood avait même acheté les droits. Ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. À l'époque, Hollywood avait payé 75 000 $ pour obtenir les droits pour Bonheur d'occasion, mais malheureusement, le projet n'a jamais... Est-ce que elle sera pas... C'est un immense succès. C'est ce qui fait qu'on... Quand on parle de Gabrielle Roy, tout de suite, c'est ce titre-là qui nous vient en tête. Est-ce que, d'une certaine façon, elle sera pas prisonnière de ça pour le reste de sa vie? La place immense qu'occupe Bonheur d'occasion dans son œuvre. Oui, j'ai déjà dit ailleurs que Bonheur d'occasion avait été un fardeau que Gabrielle Roy a porté toute sa vie durant. En fait, ce qui l'intéressait à partir de Bonheur d'occasion, elle a eu beaucoup de mal à se remettre à l'écriture parce que la critique attendait d'elle un second grand roman réaliste. Et le roman qui est venu après Bonheur d'occasion, c'est un roman idyllique, c'est La petite poule d'eau, c'est son premier roman manitobain. Mm-hmm. Et c'est la veine qu'elle affectionnait davantage, donc la veine davantage autobiographique. Ouais. Et toute sa carrière durant, elle va alterner entre le roman autobiographique et le roman réaliste pour, comme on sait, terminer avec cette grandiose autobiographie qui est La détresse et l'enchantement, qui contient finalement l'ensemble de son œuvre. Mais c'est vrai que ses racines sont... Il y a ce paradoxe, au fond, elle va quitter le Manitoba, elle va vivre à Paris, à Montréal, dans le Charlevoix. Elle ne vivra plus dans son lieu d'origine. Mais en même temps, ses racines vont la suivre partout, tout le temps, tout au cours de sa vie. Ça va être présent dans une grande partie de son œuvre. Ben oui, exactement. Quand on parle du fardeau de Bonheur d'occasion, ce que Gabrielle Roy a déploré à l'époque, c'est que, bon, d'une part, au Québec, on a récupéré Bonheur d'occasion à l'époque de la Révolution tranquille pour en faire un roman, justement, emblématique des années 60. Ensuite, dans les années 70, on a récupéré Bonheur d'occasion pour en faire un roman emblématique du fédéralisme canadien. Et Gabrielle Roy cherchait à tout prix à se détacher de cette image-là pour enfin pouvoir être reconnue pour peut-être une œuvre qui lui ressemblait davantage. Michel Coulon, vous êtes un fou fini de Gabrielle Roy. Vous avez tout lu Gabrielle Roy, je pense. Oui, mais pour moi, La détresse et l'enchantement est l'un des plus beaux livres que j'ai lus. Point barre. Hein, ça, c'est vraiment... C'est la somme pour son œuvre, mais c'est vraiment... Bon, c'est le sommet de son autobiographie, puisque ça a été ça toute sa vie, de revenir à ses origines. Je m'en cache pas, hein, je suis allé au Manitoba et je me suis... fait un des précurseurs des égoportraits. Je me suis fait photographier devant la rue des Chambeaux parce que ça, c'était un livre aussi. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qui vous parle dans cette œuvre-là? Quel auteur! Ouais. C'est la justesse, c'est la simplicité et c'est ce talent immense d'être capable de raconter un milieu qui n'était pas le sien, Bonheur d'occasion, la ville, mais aussi tout autre chose cet été qui chantait et un plaisir pastoral, hein, tout à fait autre chose. C'est sa période... Charlevoix. Donc, pour moi, il y a ça chez elle, une grande humanité et une simplicité de l'écriture, de sorte qu'on entre totalement dans son univers. Ma photo, à rue des Chambeaux, est pour moi un beau moment parce que je me dis, tiens, je communie avec quelqu'un qui sait parler des gens. Vous l'avez encore, Michel? Je crois que ça se trouve quelque part. Ça se trouve. On va faire une petite recherche. Marie-Lyne Ballard, non seulement vous avez lu Gabrielle Roy, vous avez écrit aussi sur elle. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet auteur? Je partage l'opinion de Michel lorsqu'il dit que c'est un de ses grands livres de sa vie. Moi aussi, c'est l'un des plus grands livres de ma vie, La détresse et l'enchantement. Ce que j'apprécie particulièrement chez elle, et j'ai écrit sur ce livre. En fait, on dit souvent que le mythe personnel de Gabrielle Roy, c'est sa mère. Et dans La détresse et l'enchantement, elle raconte comment elle se sentait, comment est-ce qu'elle vivait dans 17 chambres. Et j'ai fait cette analyse. Et à chaque fois qu'on analyse la chambre, on peut revoir sa mère. Et c'est omniprésent. D'ailleurs, il y a un petit documentaire, un petit film qui a été fait sur lorsqu'elle se retrouve en Angleterre. Et on est retourné à ce cottage voir Esther Perfect pour nous raconter le passage de Gabrielle Roy dans cette chambre où elle a été heureuse parce qu'il y avait les valeurs familiales et tout ça. Mais son arrivée à Montréal, dans la petite chambre grise avec le lit à fer forgé de la rue Stanley, encore une fois, c'est sa mère sur le quai de la gare lorsqu'elle quitte définitivement le Manitoba, sa mère qui était dans un petit manteau gris. Il y a quelque chose, c'est le cœur, c'est qu'on atteint le cœur avec Gabrielle Roy, je pense, et le style littéraire. Je pense qu'il faut le mentionner, elle a un style exceptionnel. On va se rapprocher du cœur, justement, du côté plus intime, mais qui est toujours pas très loin de l'écriture. Un dernier extrait au sujet de Gabrielle Roy. En fait, on l'écoute à nouveau au micro de Judith Jasmin en 1961, cette fois-là. Et vous, Gabrielle, comment vous est venue l'idée d'écrire? Est-ce que c'est à ce moment-là, en entendant les récits de votre mère, avez-vous eu l'idée de... Peut-être. Mais surtout, je crois qu'à un moment, la vie m'a paru intolérable si on ne pouvait pas essayer de l'expliquer, de la comprendre davantage et de la transcender. Ça nous dit quoi? C'est intéressant ce qu'on entend, Sophie Marcotte. Ça nous dit quoi sur l'importance de l'écriture, mais sur la femme aussi, qui est certainement tourmentée à certains égards? Bien, il faut comprendre, puis je l'évoquais un peu plus tôt, que la venue à l'écriture de Gabrielle Roy se fait dans la douleur, se fait dans la rupture. Elle le raconte dans La détresse et l'enchantement. Elle vient de rompre avec celui qui a été son premier grand amour, Stephen. Et donc, elle se retrouve dans cette chambre dont Marie-Linda parlait tout à l'heure, au cottage d'Esther Perfect, et c'est là que lui vient l'idée d'écrire. Ouais. Hein, en pensant à son Manitoba natal et tout. Donc, l'écriture vient de la rupture. L'écriture aussi, pendant toute sa vie, et sa correspondance en témoigne d'ailleurs, l'écriture se fait dans la solitude. Mm-hmm. Elle a besoin de la solitude pour pouvoir raconter justement la vie de tous ces personnages. Alors, avec ce devoir et ce désir de raconter ce monde, encore une fois, cette condition humaine. Exactement. Ouais. Donc, se placer en retrait pour mieux être capable de raconter. Cinéma, cinéma. J'en ai, je suis, je fais du dégât. Y'a pas de bon sens, maudit film-là. Voilà quel bon, c'est les rats. Cinéma, cinéma. Tout le monde était à la Fête nationale du film. Et c'était pas juste des... Il y avait des cinéastes, mais il y avait aussi Hubert Aquin, qui était un très grand écrivain, qui était là. Il y avait André Belleau, qui était un grand intellectuel, professeur à l'UQAM après ça, qui était là aussi. Il y avait Claude Fournier, il y avait Gilles Carle. Il y avait absolument tout le monde. Il y avait personne ailleurs. En ville, ça n'existait pas. Là. Il y avait pas... Tout le monde était à la Fête nationale du film. Il y avait... Il n'y avait rien ailleurs, là. C'était extraordinaire. Oh, maman, je veux des vraies vues comme on n'en voit plus. Oh, maman, je veux voir des films de l'office. L'office, l'office, l'office. L'office, l'office, l'office. L'office, l'office, l'office national du film. Du Canada. Vous avez peut-être reconnu cette chanson « Cinéma, cinéma », la chanson-thème d'un documentaire qu'a réalisé Gilles Carle avec Werner Noll dans les années 80. C'est Denis Arcand, bien sûr, le réalisateur que vous entendiez sous cette chanson. Michel Coulombe, ce qui est formidable avec ce que nous disait Denis Arcand dans cet extrait, c'est qu'on comprend très, très bien ce que c'est à ce moment-là, l'âge d'or, les années 60 ou à peu près, à l'Office national du film, l'importance qu'a l'Office, ce que c'est que cette institution-là. Comment décrire cette période-là, Michel Coulombe? Quand il exagère, Denis Arcand dit la vérité. Ouais. Parce qu'effectivement, je pense qu'un mardi après-midi, à la cafétéria de l'ONF, en 1962, il y avait trois tables et vous aviez là tout ce qui bougeait. Ouais. En cinéma, bien sûr, mais comme les gens venaient d'un peu partout, c'est vraiment tout ce qui bougeait. Des gens qui réinventaient notre rapport à l'image, notre rapport à la réalité, ça a été ça, ce grand courant de l'ONF. Nous avons une cinématographie attardée, hein. On a commencé après tout le monde. Oui. Là où les Français, les Américains, plein d'autres faisaient des films à la période du muet en quantité, des documentaires, des fictions et tout, nous, on était plutôt parcimonieux. Et là, fin des années 50, début des années 60, grâce à l'Office national du film, le National Film Board, en anglais comme en français, ben on a rattrapé le retard. Ouais. Rattrapé le retard en faisant des choses qui étaient aussi nouvelles parce que la technologie le permettait, comme le cinéma direct. Ouais. Et le déménagement en 56 d'Ottawa à Montréal va être fondamental pour réunir ces pionniers, ce qui va faire le cinéma québécois qui va suivre. Mais ça commence avant ça quand même. Peut-être un petit retour sur les origines. Ça naît quand, cet Office national du film, et dans quel contexte, Michel Coulombe? En fait, il y avait déjà un bureau du cinéma du gouvernement canadien qui existait donc au tout début du 20e siècle. Et en 1939, on a eu l'idée d'inviter un Anglais anglais, un britannique, John Grierson, qui lui-même a inventé le mot documentaire. Hein, donc, c'est celui qui a eu cette idée d'appeler ça donc des documentaires, en anglais bien sûr, mais on l'a invité donc à créer une grande institution cinématographique au Canada. Mais 1939, c'est aussi le début de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et donc cet organisme qui était apparu au printemps, en mai, va rapidement devenir un outil de propagande. Carrément. Et ce sera ça donc pendant... Et en ça, le Canada n'est pas unique. Là. Mais ce sera ça donc toutes les premières années de l'ONF, faire des films avec des narrations omniprésentes, hein, qui disent, voilà, nous sommes forts, un nous ton sommes... très patriotique. Oui, nous allons vaincre, et eux sont comme ci, nous sommes comme ça. Et là, bon, l'ONF était lancée. Ouais. Ça reste, à cette époque-là quand même, oui, c'est propagandiste, mais ce sont parmi les studios les plus importants au monde, les studios de l'ONF. 1950, la guerre est finie, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette bébelle-là? On revoit le mandat de l'ONF pour en faire quoi, Michel? Ben, on l'a précisé, c'est faire connaître et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations. Donc, vraiment une volonté d'affirmation nationale. Radio-Canada était là aussi dans cet esprit. Il faut comprendre qu'à cette période-là, on en était à jeter les bases d'institutions culturelles nationales. Dans le fond, il y avait eu le train peu plus tôt. Et puis là, ben, les bases, ça passe par les communications, par l'expression. Et donc, ben, ces images, et on en parlait plus tôt, de l'Ouest qu'on peut envoyer à l'Est et vice-versa, avant la grande période de la télévision, on pouvait le faire à travers le cinéma. Des films qui étaient présentés en avant-programme dans les salles de cinéma, mais ensuite à la télévision. 56, on l'a évoqué, déménagement d'Ottawa à Montréal. Qu'est-ce que ça change? Ben, il y avait à Ottawa une méfiance à l'égard de l'Ouest, qu'on voyait un peu comme un bastion de communistes. Hein. Les créateurs et une ville gouvernementale, ça va pas vraiment ensemble. Donc, il fallait aller ailleurs. Ça aurait pu être Toronto, ça a été Montréal. Mais notamment, il y avait le problème francophone à régler. Je dis problème francophone parce qu'il faudra attendre, l'ONF est quand même créée en 1939, jusqu'au début des années 60, avant qu'on normalise la présence des francophones dans cette institution-là. Il y en avait moins. On créait une équipe française, on reculait, on avançait. Après, ce sera la question des francophones hors Québec. Là aussi, ce sera déterminant, cette place qu'on donnera à des studios de l'ONF régionaux, en anglais, en français, mais donc une volonté d'être présent sur le territoire pour raconter ce qui se passe un peu partout, ce qui n'a pas empêché des tas de cinéastes, par ailleurs, aller à l'étranger et donc être aussi les observateurs de la réalité internationale. Et cette réalité internationale et canadienne qu'on va observer, c'est beaucoup par le fameux documentaire, vous l'évoquiez. À ce documentaire, il y aura une petite révolution qu'on va greffer, ce qu'on appelle le cinéma direct, le cinéma vérité. Une grande révolution. Une grande révolution. Oui. Qu'on associe beaucoup à Pierre Perrault et Michel Brault. Mais ce qui est intéressant, Michel, c'est que ça naît à Montréal, le cinéma vérité, mais d'abord chez les anglophones. Le Candid Eye. Donc, il y avait... Bon, bien sûr, on doit reconnaître le génie de nos cinéastes, mais on doit aussi dire que la technologie évoluait. On est dans une période où on parle de technologie en pleine évolution. Ben, fin des années 50, on arrivait à faire des caméras qui étaient plus souples et qui permettaient d'avoir du son synchrone. Et donc, il y a eu de premières expériences en anglais. Il y en avait aussi à l'extérieur du Canada, on parlait de cinéma vérité. Et puis, ben, les francophones de l'ONF qui venaient d'un peu partout, hein, qui venaient du journalisme, de la littérature, de l'histoire, d'un peu partout. Tous ces gens-là étaient curieux de la vie. Et donc, ils ont fait de premières expériences. La toute première, c'est les racketeurs où il y a un peu de son synchrone par accident. Ouais. Et puis, il y a des monuments comme Pour la suite du monde, Michel Brault, Pierre Perrault, où on va écouter ce qui se passe dans la vie. Bon, on écoute justement Michel Brault qui nous parle de cette grande révolution du cinéma direct et de cette révolution d'abord et avant tout technique que vous évoquiez, Michel Coulombe, extrait de l'émission Carrefour en 1961. Jusqu'à date, le cinéma qu'on faisait était plutôt de l'actualité, c'est-à-dire qu'on travaillait de la même façon que les nouvelles. On filmait les gens un peu à leur insu ou on arrivait à faire des films comme ça en ramassant des images un peu partout. Mais c'était toujours des images silencieuses. Et un jour, Rouch a voulu employer une méthode beaucoup plus avancée, c'est-à-dire de mettre le son sur les gens et de les laisser vivre. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous, on ne vit pas, là, on se parle. C'est une interview organisée, mise en scène, etc. On fait la mise en scène. Bon, on fait la mise en scène. Le jour où on a pu arriver à libérer la caméra de sa grosseur, de son trépied, et d'en faire une caméra qui pouvait prendre le son en même temps, on a pu, à ce moment-là, laisser la vie se dérouler devant la lentille. On est à la merci de ce que les caméras vont enregistrer, des événements qui vont se produire. On est à la merci aussi de la spontanéité des gens, parce qu'il faut quand même que les gens qu'on met devant les caméras aient une certaine imagination pour pas qu'ils restent amorphes, quoi. Le film, en fait, se construit en tant que film uniquement au moment du montage. Quelle importance ça va avoir? Vous le disiez, Michel Coulombe, c'est une grande révolution. Quelle importance ça va avoir dans la manière dont on fait du documentaire, l'arrivée du cinéma direct, du cinéma vérité? Notamment, on s'est mis à parler vrai, parce que jusque-là, on avait une façon étudiée de parler à la télévision, à la radio, un peu partout. Là, on y allait naturellement. On va à l'île aux coudres, on entend les gens, ils parlent comme ça, on reçoit ça, puis on se dit, tiens, c'est nous. Ça nous ressemble. Ouais. Ils ont fait comme ça La Lutte, ils ont fait des tas de courts-métrages où on est dans l'action, on est avec les gens, dans un sentiment de collectif aussi, parce qu'il y avait 1, 2, 3, 4 cinéastes, en fait, la personne au son, celle à la caméra, puis l'autre au montage. Tout ce monde-là, ensemble, découvrait son métier, faisait des films, mais vraiment, dans un esprit communautaire, ça ne pouvait pas durer longtemps, cet âge d'or. Mais n'empêche, il y avait là, effectivement, un regard sur le monde, une appropriation de sa propre image. Les questions identitaires ne sont pas, d'ailleurs, à négliger là-dedans. C'est vrai au Canada anglais. Le sommet du Candid Eye, c'est Lonely Boy, un film consacré à Polanka, une grande vedette de l'époque. Et puis, de notre côté... le chanteur. Puis, de notre côté, du côté francophone, c'est effectivement une façon d'aller vers les gens. Quand on va voir les racketteurs, on s'en fout du congrès de racketteurs. Ce qu'on observe, c'est un détail, c'est des attitudes, c'est la façon dont les gens sont habillés. C'est une petite chose qui ne va pas parce qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans. Ouais. Et puis, le montage là-dedans était déterminant, c'est ce que disait Michel Brault, parce qu'il y avait là un esprit de liberté. Ouais. Et à côté de cette école énorme que sera l'école de l'ONF en documentaire, il y a une autre grande école, une autre grande tradition, celle du cinéma d'animation. On écoute le réalisateur Claude Jutras qui rend hommage au grand Norman McLaren à l'émission Le cinéma canadien en 1961. Et pendant tout ce temps, il y a l'ami McLaren qui travaille toujours, explorant de tous les côtés. Stéréoscopie, son synthétique, pixilation. Il invente des appareils, énonce des lois sur la persistance rétinienne, répertorie en courbes mathématiques le contenu affectif des accélérations et des décélérations. La petite pièce inondée de soleil dans laquelle il travaille, c'est un laboratoire, c'est l'antre d'un ermite visionnaire et prophétique, c'est la cellule d'un moine, c'est un atelier de peintre et c'est tout un studio de cinéma. À lui seul, il a produit plus de lumière que tous nos barrages hydroélectriques, il a déblayé plus de terrain que tous nos pionniers, il a tracé des routes qui vont plus loin que toutes nos routes et les paysages qu'il a inventés sont plus grandioses que tous nos paysages. Si je disais que McLaren est le plus grand de tous les cinéastes, vous me diriez que j'exagère. Moi, je préfère me laisser dire que j'exagère, et McLaren préfère ne pas m'entendre exagérer. Tout ça est très joliment dit, Michel Coulombe. Quelle importance il aura dans le McLaren? Là aussi, je crois que Claude Jutras dit la vérité quand il exagère, parce que c'est un inventeur, Norman McLaren, en pixilation, en grattage sur pellicule. Un Oscar dans les années 50 pour Voisin, par exemple. Des expérimentations jusqu'à la toute fin avec Pas de deux et compagnie. Grierson va l'inviter à créer effectivement un studio d'animation à l'ONF. Et avec lui arriveront des tas de créateurs libres. Pas des gens qui font des œuvres formatées, Disney par exemple, du long métrage, mais des œuvres personnelles, des courts métrages et de l'expérimentation. Quelqu'un va travailler avec le sable, animer le sable, d'autres personnes avec des objets, d'autres avec un écran d'épingle. Celui d'Alexeïev, c'est ce que fera Jacques Drouin pendant des années. Il y aura là des gens qui repousse les frontières constamment et de grands, grands créateurs dans cet ensemble qui ont travaillé et en anglais et en français à l'ONF. Un grand lieu de création d'animation. C'est ça, au fond, l'ONF, c'est des tiroirs, c'est le documentaire, ce sera le cinéma vérité, c'est l'animation. C'est le Studio D qui va arriver à un moment donné, les femmes à l'ONF. Oui, il était temps, parce que quand il y a eu la période du direct, il y avait une femme qui a pu s'insérer dans l'ensemble. Bon, il y avait au montage Monique Fortier, mais une seule cinéaste, Anne-Claire Poirier, elle va prendre sa place à l'ONF, imposer une voix des femmes. Bravo, à la fin des années 60, elle va faire de mère en fille, parler de grossesse. forcément, le regard des femmes sur le monde est différent de celui des hommes. Et elles vont tranquillement, les femmes, notamment grâce à Anne-Claire Poirier, prendre leur place dans cet ensemble, beaucoup au Canada anglais. Mais du côté francophone, ça se fera à travers un programme qui s'appelle « En tant que femme », qui s'insère dans quelque chose de plus large, qui est « Société nouvelle », donc qui est une volonté de l'ONF d'exprimer les transformations de la société et d'aller ensuite avec ces films-là sur le terrain, un peu partout, pour animer des discussions, pour dire « Voilà le regard que nous avons sur la société, qu'est-ce que vous en pensez? Discutons, parlons. » Voilà quelque chose qui s'est perdu quand même. Marilyn Dallord, Sophie Marcotte, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça a été, par exemple, Sophie Marcotte, pour vous, l'ONF, dans votre vie? Dans ma vie, je ne saurais trop répondre, mais je dirais que ce que je trouve fascinant, c'est que, notamment dans les années 60 au Québec, les mêmes individus occupaient plusieurs rôles à la fois dans la sphère culturelle et artistique. Et on a des gens comme Hubert Raquin et André Bello qui ont été, on l'a dit tout à l'heure, très importants pour l'ONF. Jacques Godbout. Et Jacques Godbout également, qui était donc cinéaste, critique littéraire, professeur d'université, auteur, romancier, etc. Il y a un lieu de création, il y a une convergence, si on veut, de laquelle l'ONF fait partie. Mais des cinéastes permanents, ce qui est une chose tout à fait étonnante. Oui. Il y a très peu de pays où il y a eu ça. Il y a eu les pays de l'Est et puis il y a chez nous. Pierre Perrault a fait toute son œuvre en tant qu'employé permanent de l'ONF. Jacques Godbout aussi et plein d'autres comme ça, ce qui leur assurait une sécurité, une continuité dans leur travail. Marilyn Dallord, pour l'Acadienne que vous êtes, l'importance qu'a eu et qu'a toujours l'ONF. Toujours l'ONF. Donc, en 1974, on a créé le studio Acadie de l'ONF et je peux vous dire que ça a été vraiment un essaim de créateurs. Et comme au Québec, effectivement, ce sont des gens qui avaient plusieurs chapeaux sur la scène culturelle. On pense à Herménégil Chiasson, par exemple. On pense à Ginette Pellerin, Monique Leblanc, René Blanchard, Phil Comeau, qui n'en finit plus de remporter les prix cette année. Mais aussi, on parlait de Michel Brault, Pierre Perrault, qui sont venus en Acadie lors de la grande grève étudiante de l'Université de Moncton en 68-69. L'Acadie qui est devenu un film culte que les jeunes encore d'aujourd'hui regardent et envient à quelque part. Et ça va nous amener au sujet de la Sagouine tout à l'heure, mais c'est cette importance aussi d'avoir délocalisé de cette ancré dans les régions. L'impact a été très, très important. On va parler de la Sagouine dans quelques minutes, mais un mot encore, Michel Coulombe, sur l'ONF pour nous décrire un peu ce que va devenir cette institution-là. Il y aura, comme ailleurs, des compressions, puis il y a les temps qui changent, mais que deviendra, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'ONF? L'environnement de l'ONF a changé. Il y avait une forme de monopole il y a quelques années. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un secteur privé, une industrie privée. Bref, il y a besoin de complémentarité. Avant, en documentaire, il y avait que l'ONF. Maintenant, il y a dans le secteur privé des gens très actifs un peu partout au pays. Ouais. Donc, c'est une place, celle de l'ONF, mais il y a... L'ONF ne fait plus de longs métrages de fiction, par exemple. Elle a fait de grands, elle a produit de grands longs métrages. De grands films. En anglais, Nobody Waves Goodbye, mais La vie heureuse de Léopold Z, Mon oncle Antoine, J.A. Martin photographe, Mourir à toute tête. Tous ces films-là ont pu se faire à l'ONF. Même on a lancé le déclin de l'Empire américain du côté de l'ONF parce qu'il y avait un programme de fiction à petit budget. Aujourd'hui, le secteur privé ne le tolérerait pas, tout simplement. Donc, sous pression, effectivement, des concurrents de l'ONF qui sont apparus au fil des années, l'institution a dû changer, évoluer, essayer de garder une grande représentation, enfin, d'augmenter même sa représentation pour aller vers les Premières Nations, par exemple. Mais ça reste important, l'ONF, aujourd'hui? C'est un patrimoine énorme. Ouais. Hein? Une collection de 13 000 films, c'est considérable. C'est donc une richesse nationale. On va beaucoup aujourd'hui vers les nouvelles technologies, l'interactif, ce genre de projet-là. Mais il y a encore un exercice de redéfinition au moment où l'Office national du film a un nouveau siège social, puisqu'on est installé depuis les années 50 près de l'autoroute. Ouais. Là, on passe au centre-ville de Montréal. Mais il y a effectivement une réflexion toujours en cours sur sa place et sa nécessité. On termine cette émission en Acadie autour du personnage de la Sagouine. On écoute tout de suite Antonine Maillet nous décrire ce que représente pour elle son personnage la Sagouine, extrait de l'émission 5D du 10 décembre 1972. L'autre jour à Paris, quand la Sagouine a joué au Centre culturel canadien, figurez-vous que moi, parce que j'étais l'auteur, on m'avait donné une place d'honneur, laquelle place d'honneur était de figurer entre le premier ministre anglophone du Nouveau-Brunswick et le ministre des Finances. Bien, je me sentais, moi, juste entre les deux, et je les regardais. Je ne regardais plus la Sagouine. Je sentais les pulsations, je sentais le pouls, n'est-ce pas, de la politique et de la finance, qui était forcé, lui, de regarder ça, parce qu'ils étaient les invités. Alors, la Sagouine, on était tout près de la Sagouine, qui était juste là, au bord de la Seine, et qui disait aux ministres et à la politique, « Je ne sais plus qui je suis. J'ai peut-être plus rien. Je suis peut-être plus rien. J'appartiens plus rien. Mais je suis encore en vie, toujours bien. » Mais où est-ce que je vivons, nous autres, qu'elle leur dit? Et le premier ministre qui est à côté était bien obligé de se dire, mais elle vit chez moi, cette pauvre femme. C'est dans mon pays, et je suis son chef, moi. Et c'est cette femme qui vient me dire, j'ai plus de pays, j'ai plus de nationalité, j'ai plus de religion, je n'ai plus rien du tout. Et elle le disait à cet homme qui était là en face. Moi, je me suis dit, mon père et ma mère, vous êtes vengés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça avait pris 2 siècles pour dire ça. Eh bien, je me suis dit, la Sagouine, oui, est une expression de la révolte. Mais pas avec des coups de poing, avec une parole qui tombe juste au bon moment et qui peut-être fera des ronds. C'est formidable et c'est très, très fort, cet extrait qu'on vient d'entendre, Marie-Linda Lord. Qu'est-ce que ça nous dit sur qui elle est, la Sagouine, et ce qu'elle représente, la Sagouine? La Sagouine représente beaucoup, beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas de réponse simple. Mais pour en faire un peu la genèse, c'est que Antonine Maillet s'est inspirée de 3 femmes qui habitent Bouctouche. 3 femmes, évidemment, qui n'étaient pas riches du tout. À Bouctouche, le monde était binaire. Donc, il y avait les gens en haut de la traque et les gens en bas de la traque. Et en bas de la traque, il y avait 36 cabanes. Donc, les Sagouines habitaient en bas de la traque. Donc, ce sont des femmes que Antonine Maillet rencontrait. Elle était très ratoureuse. Elle faisait des études en ethnologie à l'époque. Et donc, elle allait leur parler pour qu'elles puissent entendre leur récit de vie, etc. Donc, c'est comme ça qu'elle a construit le personnage de la Sagouine. Mais avant de connaître ces monologues qu'Antonine Maillet a écrits d'abord pour la radio de Radio-Canada à Moncton, on appelait les billets littéraires d'Antonine Maillet. Ça, on se situe à l'automne 1970. Elle avait quand même créé le personnage de la Sagouine dans la pièce Les Crasseux, qui a été publiée en 68. Juste avant Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Et c'était la première fois qu'il y avait une œuvre littéraire écrite dans une langue vernaculaire en français. Et donc, il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, Antonine Maillet était toujours une religieuse au sein de la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Sacré-Cœur à Moncton. Et elle a écrit ça dans un couvent. Donc, elle transgressait énormément. Et ce qu'elle vient de nous raconter dans son extrait, en fait, on entend toute la transgression du discours. Cette révolte, la révolte tranquille, la révolte des gens ordinaires. Absolument. Donc, envers... Et il faut aussi comprendre le que... Le cri, en tout cas. Le cri, puis on était aussi en période néo-nationaliste en Acadie à ce moment-là. On avait eu pendant les 10 dernières années un premier... ministre acadien, qui était Louis Robichaud, qui avait été élu 5 jours après Jean Lesage. Donc, il y avait eu cette mouvance qu'il fallait prendre la parole. Oui. Et Antonine Maillet dit, si on prend la parole, on va la prendre dans notre langue. Oui. Et c'est ce qu'on entend avec la Sagouine. Donc, la Sagouine, évidemment, avec les billets littéraires d'Antonine Maillet, elle y allait selon le calendrier. Donc, c'est pour ça qu'on a des thèmes comme Noël, la bonne année, le printemps, la mort, la résurrection. Le tiers des textes, finalement, touche la religion. Donc, il y a une grosse, grosse critique de l'Église catholique et une critique assez frontale lorsqu'elle parle des prêtres. Puis, quand on lit l'œuvre d'Antonine Maillet dans son ensemble, souvent, on peut lire « Il ne faut pas parler des prêtres ». Mais la Sagouine, elle en parle. Oui. Et elle en parle dans cette langue que vous évoquiez déjà. On écoute, ça va être important, cette langue-là, dans le succès de la Sagouine, particulièrement peut-être en Acadie. On écoute Antonine Maillet nous parler de cette langue de la Sagouine, la décrire, cette langue-là, extrait de l'émission Actualité 24 en 1972. C'est une langue française, mais ancienne, avec ça de particulier qu'elle a une intonation, un accent, d'ailleurs que vous entendez tout de suite, une intonation qui probablement a pu avoir des influences du climat, par exemple de la mer. Chez nous, on ne dit pas « maison », on ne dit pas « Marie », on dit « Marie », on dit « maison », comme la vague, vous savez. Mais en fait, la langue est très ancienne. Elle a un vocabulaire qui date très souvent du 17e, même du 16e. Tous les mots qui sont dans la Sagouine, j'ai absolument rien inventé de ces mots-là. Vous êtes sûr? Non, aucun. J'ai même pas le nom de la Sagouine. Ce sont tous des noms anciens. Que vous trouvez d'ailleurs dans les auteurs, comme Rabelais, comme Villon, comme Magret de Navarre. Mais par exemple, mouver et barguiner. Ah bon, justement, des mots que j'emploie dans mes livres. Barguiner. Oui. On imagine qu'on a emprunté ça au mot bargain anglais. Ben. Mais non, ce sont les Anglais qui ayant été conquis par la France, par la Normandie, ont emprunté du vieux mot bargainer et on en fait bargain. Mais nous, on ne dit pas bargainer parce qu'on pense à bargain, mais c'est parce que nos ancêtres disaient bargainer bien avant les Anglais. Émouver. Émouver, la même chose. On déménage ou on move, mais M-O-U-V-E-R, c'est plus ancien que mover, le mot anglais, to move. C'est l'anglais qui a emprunté au français. Mais l'Acadien de la Sagouine, c'est l'Acadien d'une fourbisseuse de place, d'une laveuse de plancher. Et c'est tout à fait la même chose qu'au Québec. Vous avez le Québécois du garagiste et vous avez le Québécois du professeur de l'Université de Montréal. Et alors, à ce moment-là, vous ne dites pas c'est le garagiste qui a raison ou c'est le professeur qui a raison. Les deux parlent québécois, mais le Québécois qui a passé par les écoles ou le Québécois qui n'y est pas passé. Alors, Antonine Maillet, au micro d'Andréane Lafont en 1972. C'est important, la langue que va parler la Sagouine dans le succès qu'elle aura, particulièrement en Acadie, d'abord et avant tout, Marilyn Ballard. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Vous parliez de l'impact qu'a eu Michel Tremblay au Québec. C'est un peu la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là pour les Acadiens d'entendre cette langue-là sur scène? Il y a eu exactement la même réaction. C'est qu'il y a eu des gens qui ont applaudi à tout rompre. Enfin, on s'entend. Alors qu'il y en a d'autres qui ont dit « ce n'est pas possible ». On ne peut pas présenter un personnage comme la Sagouine qui parle comme ça. Donc là, c'est sûr que c'est l'élite qui parlait comme ça, un peu comme au Québec face à Michel Tremblay. Ça a été le même phénomène. Mais dès que la Sagouine est arrivée à Montréal, elle avait déjà un succès là, en Acadie. Mais c'est sûr que lorsqu'elle est arrivée à Montréal, ce premier lundi soir, on a osé présenter la Sagouine au Théâtre du Rideau Vert. C'est le même théâtre qu'elle présente. Soir de relâche, on lui donne un soir. Un soir. Et c'était au même théâtre que Michel Tremblay aussi, ouais. Les Belles-Sœurs. Donc, et ovation debout avant l'entracte. Donc, même pas à la toute fin. C'est parti. Et je me rappelle d'une critique du Journal de Montréal qui avait écrit « On nous a secoué le Québécois ouais. ». Mais c'est qu'on était en période néo-nationaliste. Donc, tous ces thèmes que la Sagouine aborde, et finalement, sont universels. Il y a toujours une élite partout. Donc, elle est là, toute simple, et elle va laver les planchers chez cette élite. Donc, elle connaît cette élite. Elle est à même de pouvoir les critiquer. C'est une femme elle de... Elle parle vrai. Elle a 72 ans. Elle a du vécu. Il faut se rappeler qu'elle est fille de pêcheur. Elle a marié un pêcheur. Mais avant ça, elle était quand même une fille à matelot, à Bouctouche. Donc, ce n'est pas une personne non plus qui a la meilleure réputation au village. Mais avec l'âge, l'expérience de vie, une expérience de vie très dure, perte d'enfants réguliers, donc des enfants qui naissent au printemps survivent, on est prêt à l'écouter. Qu'est-ce qui fait que même les Français, non seulement seront prêts à l'écouter, mais vont adorer ce personnage de la Sagouine? Mais c'est parce qu'elle est universelle. Il y a des gens, il y a des femmes qui lavent les planchers partout, des femmes qui vieillissent, qui ont eu un vécu et qui osent dire tout haut ce que bien des gens pensent tout bas. Mm-hmm. Et c'est ce que fait la Sagouine. Et comme elle a une langue vernaculaire, mais aussi une langue authentique, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça la rend universelle. Et quand on voit, par exemple, la page couverture de la première édition chez Le Méac, c'est le tableau de Bruegel. Donc, c'est une Sagouine. Mm-hmm. Donc, elle existe partout. La Sagouine, pour vous, Michel Coulombe, Sophie Marcotte, qu'est-ce que ça représente? Michel, je suis étonné aujourd'hui parce qu'au fond, j'avais l'impression que vous étiez très critique dans la vie. En tout cas, aujourd'hui, vous aimez tout. Tout ce dont on non, parle. Je peux vous faire une liste, vous allez voir, c'est assez effrayant. Mais la Sagouine, tout ce que j'aime pas. Mais en fait, dans les années 70, je me suis rendu à Bouctouche et on me dit, veux-tu aller de l'autre côté de la traque et rencontrer Sarah, donc qui était celle des trois qui survivait, là, qui vivait toujours parce qu'elle tirait aux cartes. Et donc, je me suis fait tirer aux cartes par l'authentique Sagouine de Bouctouche. C'est une expérience. Une expérience parce que là, j'ai compris que cette femme-là, qui vivait donc dans une petite maison de rien du tout, avec une langue assez invraisemblable, avait un regard sur le monde tellement fermé parce que ce qu'elle connaissait du monde, c'était son village, puis encore pas tout son village, parce que c'était une partie isolée de Bouctouche. Donc, je vais vous donner des exemples. Il y avait pour elle deux sortes de femmes. Tétion pour rencontrer une pâle. Donc, il y avait des pâles, puis il y avait des noirs. Puis Tétion pour faire un grand voyage. Le lendemain, je me rendais à Moncton. Alors, mes amis acadiens m'ont dit, un grand voyage, tu le fais demain, ce sera réglé. Tétion pour travailler dans une grande bâtisse. Pour elle, qui vivait dans une maison de tôle un peu lamentable, il faut le dire, hein, c'était conditions effrayantes. Oui, jamais j'ai vu quelqu'un sur vivre. Sur terre battue. Oui. Ouais. Jamais j'ai vu quelqu'un au Canada vivre dans un endroit aussi misérable. Mais donc, pour elle, une grande bâtisse, c'était à peu près tout. Donc, ce regard-là était celui d'une femme sincère, pas une grande cartomancienne, mais qui avait prise sur l'humanité. Sophie Marcotte, au fond, ce qui me frappe, ce qui m'a frappé en préparant l'émission et en vous écoutant tous les trois aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas quel rapport vous avez avec la Sagouine, mais il me semble qu'il y a quelque chose, qu'il y a une parenté, en tout cas, entre cette volonté de décrire la condition humaine des gens ordinaires qu'a Gabrielle Leroy, dont vous nous avez parlé, et qu'a Antonine Maillet avec la Sagouine. Oui, bien sûr. Ben, petite anecdote pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant. Antonine Maillet a écrit une mémoire de maîtrise sur l'œuvre de Gabrielle Leroy dans les années 50. Donc, il y avait quand même un intérêt aussi. Et on peut très certainement voir une parenté entre le personnage de Rosanna Lacasse dans Bonheur d'occasion et le personnage de la Sagouine. Oui. Rosanna Lacasse, qui est la mère de famille, qui justement, parce que son mari n'arrive pas à se trouver du boulot, va faire des ménages dans les grandes maisons de Westmount, sur la montagne. Et je pense qu'il y a une parenté ici là, indéniable entre les deux personnages et un regard sur la misère humaine qui est singulier. Elle a encore un petit mot encore sur la Sagouine, Maglenda Lord, aujourd'hui. Elle a encore une résonance en Acadie, auprès de la jeune génération, par exemple. Tout à fait. Oui, parce que je peux vous parler du pays de la Sagouine, donc ce lieu touristique qui existe à Bouctouche. Et il y a toute une génération de jeunes comédiens qui y travaillent. Et elle est toujours omniprésente en Acadie, la Sagouine. Elle est très, très présente. Viola Légère est quelqu'un de particulièrement beaucoup aimé. C'est celle qui l'a jouée pendant plus de 3000 fois en anglais et en français. Antonine Maillet, la même chose. Et elle forme une trinité. Je pense que c'est important de le dire. D'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet, si vous me permettez. Lorsqu'il y a eu l'an 2000, le Telegraph Journal, qui est un journal anglophone quotidien provincial, avait demandé aux gens du Nouveau-Brunswick de leur dire qui sont les 10 personnes qui ont le plus marqué le Nouveau-Brunswick. Et ils avaient précisé qu'il fallait que ce soit des gens, des vraies personnes. Mais ils ont été obligés d'accepter la Sagouine. Donc, il y avait Edith Butler, la chanteuse bien connue. Dans les Acadiens qui revenaient. Mais il y avait Antonine Maillet, Viola Légère, la Sagouine. Donc, c'est une trinité. Et c'est remarquable parce qu'au fond, la Sagouine parle autant aux anglophones qu'aux francophones du Nouveau-Brunswick. C'est déjà la fin de cette émission. Un dernier tour de table. De quoi aurions-nous aussi pu parler sur ce si vaste thème du Canada à terre de création? Marie-Linda Lord, justement. Je vous dirais, on aurait pu parler de Radio-Canada CBC. Ouais. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de créations. Ça a eu un impact, autant la radio, la télévision, sur la culture au Canada, indéniablement. Michel Coulon. Vous devriez consacrer une série à ces artistes, ces créateurs qui ont eu au Canada un rayonnement international. En cinéma, par exemple, Norman McLaren, qu'on a évoqué plus tôt, mais aussi Frédéric Bach. En cinéma, Atom et Goyan, mais aussi Denis Arcand. Ce sont des voix d'ici qui, effectivement, nous ont donné nous a assuré une présence, un rayonnement et puis une forme d'assurance à l'international. Je prends des notes, Michel Coulombe. Sophie Marcotte. Moi, je dirais de manière un peu plus générale, peut-être parler des arts de la scène au Canada, qui sont de plus en plus importants et qui rayonnent à l'échelle internationale. On a aussi un peu évoqué vaguement les chanteurs qui ont été importants dans l'histoire du Canada, mais on pourrait quand même consacrer plusieurs émissions à ceux et celles, les auteurs, compositeurs, interprètes, dont l'œuvre a une résonance aussi à l'extérieur du pays. Merci beaucoup à tous les trois. Sophie Marcotte, professeure de littérature à l'Université Concordia, Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à la radio et à la télévision de Radio-Canada, Marie-Linda Lord, professeure en information communication à l'Université de Moncton. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.